listening to Overdrive on Radio Dio. Et bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 8.5 de Radio Dio en ouverture. C'était le groupe Enforcer avec ce Live by Fire Tour enregistré au Mexique sur lequel on retrouvait une fantastique ambiance. Restez bien au chaud derrière votre tuner, dans votre rocking chair pour écouter de la musique qui pulse, comme le dirait Gérard. Et on débute tout de suite avec une des grosses sorties de la semaine. Il s'agit de Unatoned, le dernier album en date de Machine Head qui nous propose un nouveau line-up, encore une fois, avec un nouveau guitariste qui remplace celui de Dissection qui apparaissait sur l'album précédent, et également un nouveau batteur, Bonescraper, extrait de cet album Unatoned, tout de suite par Machine Head. Go, oh, oh, this house of gold is crumbling. Bones, we scrape our bones and numb it. Love it just a lorry, God. Love it just a lorry, God. Compromise won't get you nowhere. Arguments and pointless warfare. The price of love is the price of heartache. You took a knife pointing every mistake. Angels and devils cry tears across the bridge of sighs. These demons, addictions, chaos with sound. Bridges burning in the wake of madness. You left me yearning with the taste of sadness. Bury me down in a bed of clover. Just leave me be, this is done, it's over. The ghosts that you become, shadows of a love undone. These demons, addictions, chaos with sound. Dernier album de Machine Head, Unatoned, tout de suite sur le 895 de Radio Duo, Bonescraper. Voilà pour un titre qui mêle à la fois, bien entendu, le Machine Head récent, notamment sur le refrain et ce côté assez mélodique, et puis bien entendu des riffs qui n'auraient pas peut-être dépareillé sur la première période du groupe, notamment sur Morphine Change ou autre, Burn My Eyes. Voilà pour Machine Head, et on continue avec du bon vieux rock'n'roll maintenant avec Smith Cortson, le guitariste d'Adrian Smith, nous revient avec un nouvel album enregistré en compagnie du guitariste Richie Cortson. Les deux font la paire et ce sera Black Light, extrait de cet album Black Light, White Noise. Yes, vraiment excellent rock'n'roll en force ici avec ce Black Light par Smith Cortson. Et on continue maintenant avec cet album du groupe Art Nation qui vient de voir le jour sur Frontiers Records. Ce sera le morceau Thunderball. Tout de suite, vous êtes toujours à l'écoute d'Overdrive sur Radio Duo. Our broken past. Time is running. c'est autre chose. Captain Blackbeard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le capitaine a la barbe noire. Moi, ça me dit bien. Ce sera donc Captain Blackbeard maintenant. When it's over sur le 895 de Radio Dio avec là aussi encore une fois de l'excellent hard rock heavy metal. Encore une fois dans Overdrive, on n'est pas vraiment fermé, on passe de la musique des plus mélodiques à la plus extrême, de la plus connue également à la plus on va dire obscure. Ce sera dans Overdrive Radio Dio et on va s'envoyer ça tout de suite. Captain Blackbeard avec When It's Over tout de suite. Tell me what we were wrong. The truth is something. Et voilà pour cet excellent groupe When It's Over par Captain Black Beard. Il est maintenant 22h sur le 895 de Radio Duo. Et on va continuer maintenant avec, là aussi, de l'excellente musique. Il s'agira de Matt Ify de Trivium. Matt Ify, comme vous ne l'avez jamais vraiment entendu ici avec Matthew Kiffy Ify et ce morceau qu'il a composé pour une bande son et dans lequel il s'est un peu éloigné du métal qui est traditionnel, en tout cas metalcore traditionnel qu'il effectue avec son groupe de chœur. Ce sera Dance of the Dead et ce morceau qu'il voit un peu emprunter des côtés un petit peu synthwave électro, et ce sera sur la BO de True Believers tout de suite sur Overdrive Radio Duo. We'll be right back. pour cette curiosité. Curiosité, voilà le terme que j'emploierais avec Primal, avec Matthew Keefe. Ify, ce sera Dance of the Dead, extrait de la BO de True Believers. Maintenant, dans Overdrive, on va penser à de l'allemand, du teutonique, du traditionnel. Ici, avec heavy metal traditionnel, bien sûr, avec le groupe Primal Fear, qui a connu ces derniers temps des changements de line-up. Ils nous reviennent ici avec Far Away, un premier single, qui le voit... vraiment continuer un petit peu dans la veine qu'on lui connaît, même si les musiciens sont ici différents. Et on s'envoie ça tout de suite, Far Away par Primal Fear. We'll be right back. Et on continue dans le heavy metal traditionnel avec Sacred Steel. Sacred Steel et son dernier album qui sort sur Rock of Angels Records. Ce sera The Watcher Infernal, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Yes, vraiment excellent que ce heavy metal traditionnel avec Sacred Steel the Watcher Infernal tout de suite. Et on continue avec une musique plus progressive. Maintenant, il s'agira du tour de Catatonia qui nous sortira encore son nouvel album. Ça sera Nightmares as Extensions of the Waking State. Et c'est paru sur le label Napalm Records. Quelques changements de line-up, il me semble, dans Catatonia, et on s'envoie tout de suite le morceau qui s'appelle Lilac, tout de suite sur Overdrive, encore une fois, Radio Dio. We'll be right back. d'entendre le dernier album du groupe Messa tout de suite pour, là aussi, un superbe titre tout en mélodie et en influence un petit peu, à la fois psyché, certains diraient doomy également, bref, que de bonnes choses là-dedans. On continue maintenant dans Overdrive avec le groupe Sira. On est beaucoup plus proche du death metal, tendance un petit peu mélodique ici. Mark of My Sins, ça se voit le jour sur Nuclear Blast Records. Sira, tout de suite, sur lequel on a vu sur ce projet le guitariste de In Flames. Ici, ben, on va dire partager un petit peu son temps avec ce projet-là et également The Hollow Effect. Sira, tout de suite. On continue tout de suite avec Burning the Oppressor et on enchaînera sur ce qui s'avérera être maintenant la partie un peu plus extrême d'Overdrive avec de la musique qui pulse, mais cette fois encore plus. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre Burning the Oppressor avec ce Waking Nightmare, maintenant dans Overdrive, sorti sur le label MNO Music pour du trash test qui va très très vite. Exodus nous revient avec un changement de line-up, on ne s'attendait pas vraiment à ça. C'est le retour de Rob Dukes, exit Steve Zetro Souza qui a été remercié. Et là, ils viennent de publier une reprise de Scorpion, extrait de l'album Taken by Force, paru à la fin des années 70. C'était Is a Woman, She's a Man, dernier album sur lequel figurait le guitariste Uli John Roth. Et bah, ça s'annonce assez marrant, puisqu'on a ici le chanteur de Death Angel, Mark Osgeda, au micro. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que le morceau avait été enregistré avant le retour de Rob Dukes. Il me semble que ça devrait être la justification. En tout cas, ça reste un classique de Scorpion qui n'est plus vraiment enregistré, enfin repris par le groupe allemand depuis de nombreuses années. Et ça fait plaisir ici de le déterrer par tout simplement Exodus. Exodus tout de suite avec He's a Woman, She's a Man, Ascension. Maintenant, Ascension, attention pour Ascension, le dernier album de Destiny T. On va s'écouter ça tout de suite avec ce Crimson Portrait par le groupe lyonnais. C'était paru il y a de ça 2 semaines au milieu du mois d'avril, pardon, qu'est-ce que je raconte, et Destiny Ascension maintenant avec ce morceau Crimson Portrait, tout de suite sur Overdrive Radio Duo, encore une fois dans la partie plus extrême de l'émission. Out! pour Destiny, pour pardon, The Erosion par Wrath of Logarius tout de suite sur Overdrive Radio Duo. On va terminer quasiment terminer l'émission maintenant avec Mother Mary par Michael Schenker Group. Il sera du côté de Clermont-Ferrand. Alors c'est pas exactement sur Clermont-Ferrand, mais en tout cas ce n'est pas très loin. Il y a encore des places et ce sera vendredi prochain, le 2 mai, et on retrouvera le chanteur Eric Gronwald que vous avez vu en compagnie de Skid Row et de Heat précédemment interpréter toutes ces magnifiques chansons de UFO, puisque Michael Schenker l'a dit et il fera que des morceaux qu'il avait l'habitude de faire pendant son temps dans UFO au milieu, fin des années 70. Et on se passe tout de suite un extrait de ce My Years with UFO qu'il a réenregistré. Donc ce sera Mother Mary, sur lequel on peut entendre le chanteur, bien sûr, Eric Gronwald, ainsi que l'invité ici à la guitare, Slash. Voilà de quoi se faire un petit plaisir. Oh, Et voilà, on va conclure Overdrive ce soir au son de Ash Twin Project, extrait de cet album Tales of a Dying Sun, apparu sur la Clonosphère. Ce sera le morceau The Wild. On se dit peut-être, plutôt dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, comme je l'ai dit, ce sera au tour du père Michael Schenker du côté de Clermont-Ferrand, et ça devrait être une date à ne pas manquer. Voilà, on peut rappeler le www.facebook.com/overdrive-radio-duo, le www.radioduo.org, Instagram, overdrive-radio-duo pour retrouver toutes les informations de l'émission et également les liens des podcasts. Merci, ciao, bye bye.